At-tib, le parfum, se parfumer. Tout ça, on a détaillé ams. Wa-tartiyatu dhakar ra'sa. Et hada, c'est un mahdour khas pour l'homme. Aïs, se couvrir la tête. Et on a vu masalat al-hijab al-mar'a ams. Qala wa-lubsuhu al-makhit. Tout ça, on l'a vu. Les habits qui sont façonnés pour un membre, cousu ou pas. On avait dit que al-muhrim la yajuzu lah, et ça kadhalik c'est pour l'homme. Taghtiyat ar-ra's wa lubs al-makhit c'est pour l'homme. Qala wa qatla sayd al-barr. Naam, chasser une bête. Qala wa 'aqd an-nikah. Se marier, faire un contrat de mariage. Hada on l'a pas cité. Wa qatla sayd kadhalik on les a pas cités ces deux. Qala wa al-jima' wa al-mubashara. Enfin, ça fait neuf. Al-muhrim yabta'id an hadhihi al-ashya. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatazawwaj wala yasid sayd al-bahr wala yalbas al-makhit wala yughatti ra'sa wala yatatayyib wala yaqus adhara wala ya'khud min sha'rihi. Tout ce qu'il a cité le cheikh, on a cité des adillah ala hadha, on a cité kalam ahl al-ilm, falhamdulillah. Baqiya man waqa'a, avant de continuer notre dars, baqiya man waqa'a fi shay min hadhi al-mahdourat, famadha alayh. Léana, ça c'est muhim ce chapitre. Léana, t'es en état d'ihram, et t'as des ordres à suivre, t'as des devoirs à accomplir, t'as des ibadat à observer, des lieux précis, des heures précises. Enfin, il faut respecter hadha. Et comme on a cité au départ, dans les premiers durus, comme on a cité, al-hajj ou al-mu'tamir, avant de se rendre hunak, avant de commencer cette ibada, yajibu alayhi yata'allam. Comme les gens, maintenant, ils sont en état d'ihram, et à cause de leur ignorance, ils font des choses qui contredisent hadal ihram. Et c'est pas à l'amd, c'est des masakin, ils savent pas. Lakin, il faut faire des efforts. Nata'allam. فهذا الإحرام له محظورات فأون في attention لكن إذا وقع فيها قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما نعم تسكن على سيتي للنف قال فله ثلاث حالات تتخوك قال الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما هذا يفس محظور لكن pas volontairement إما il est ignorant إما il est oublié إما مكره on l'a forcé أو il dormait فهذا قال شيخ ابن تيمين فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية هذا لا إثم عليه أي il a pas fait un péché في هذا الحال et il a pas de fidya à faire contrairement à d'autres cas qu'on verra en résumé قال ولا فساد نسك كذلك صن حج أو صعمرة صحيحة قال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا سنص من القرآن أن الله سبحانه وتعالى يبغدن ويبغن pas en compte celui qui oublie أو qui est ignorant أو qui fait pas cette chose volontairement الخطأ قال لكن et ça c'est un تنبيه مهم من الشيخ لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا تمام ça ça montre l'importance d'accepter la nasiha et احيانا صحيح tu sais pas ربما t'as pas eu le temps d'apprendre cette masala ربما t'as des excuses لكن si on te montre قال الشيخ وجب عليه التخلي tu dois obligatoirement على الفور كما قال فورا immédiatement cesser cette chose مثلا الشيخ ابن عثيمين يسيت مثال مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم هذا سبب ففي هذا الحال يا أكن تقصير تطبع لأن جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث تقدم معنا هذا الحديث جاء عن علي رضي الله عنه et parmi ces trois dont le qalam il écrit pas et ils sont pas pris en compte an-na'im hatta yastayqid ou fi riwayah hatta yafiq hada al-an il est pas pris en compte lakin si on te réveille T'es dans ton hôtel, ou t'es à Muzdalifa, ou autre, ou à Arafat, tu t'es endormi, t'es allongé, tu t'es endormi et t'as couvert ta tête. Ça arrive, le na'im, il ne sait pas ce qu'il veut. Si quelqu'un te réveille et il te montre, arrête de te couvrir la tête à l'al-fawr, immédiatement. Hada c'est mohim. فقال شيخ العثيمين فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما. S'il écoute pas la nasiha et continue à faire ce mahdour, أي من محظورات الإحرام, كان آثما. قال وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. S'il y a une fidya, il doit sortir cette fidya ou tauba ou par rapport au fi'l, ça dépend. فهذا ال أو فهذه الحالة الأولى. Il est nasi ou jahil, il n'est pas pris en compte. Lakin, idha nubbiha, fayantabih. Thaniyan, deuxième cas, an yaf'ala al-mahdhur amdan, lakin, li'udr, yubihu. Deuxième cas, il le fait volontairement, ce mahdhur, lakin, il a udr. Il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. Le premier cas, il ne le fait pas volontairement. Matalan, il dort. Deuxième cas, là, il le fait. Lakin, li'udr. تذكرون حديث أو قصة كعب بن عجرة quand رضي الله عنه il a eu des poux dans les cheveux, ça lui faisait du mal, فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a autorisé de se raser. هذا c'est un محذور في الإحرام et il l'a fait volontairement, لكن il avait عذر. فقال شيخ العثيمين فعليه ما يترتب عليه على فعل المحذور ولا إثم عليه. Si il y a une fidya à sortir, كما في حديث كعب بن عجرة, il a dû sortir une fidya, lakin n'a pas d'ith. Enfin, vous avez remarqué ou vous avez saisi là, la différence entre les deux. Le premier là, ith mou la fidya ou la shay. Le deuxième, vu que c'est volontaire, lakin la udr, il n'est pas considéré comme pécheur, fi hadal hal, il n'a pas fait de péché, lakin il y a une fidya. Li qawlillahi ta'ala, il a cité le verset, Cheikh Ibn Uthaymeen, قال رحمه الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا الشاهد فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. هذا سي الى ان اكسكوز مثلا في هذه الايه اللي ديسوندو قصه كعب بن عجره الى ان اكسكوز il se rase la tête alors que c'est normalement c'est pas permis pour le muhrim, mais lui il a une excuse, il se rase la tête et il sort une fidya. Imma siyam, il a une fidya, il a quelque chose pour combler ce manque. Imma siyam, imma sadaqa, imma nusuk. Et nous, ya ikhwan, on ne détaillera pas tout ça, ça serait trop long. On ne va pas détailler ma sa'il al-fidya, etc. Ça serait des doros à part. Ça serait bien dans des doros na'am à part. Amma, si on viendra détailler, ça prendrait trop de temps. Nous, c'est mujara d'ishara. Et inshallah, les frères, si ça leur arrive, ou ils sont confrontés à un cas, et ils demandent à l'ilm. Et inshallah, il viendra le jour, si on peut, on détaillera. Amma l'an, mujarrad ishara faqat. Troisième cas, an yaf'al al-mahdhur amdan bila udr yubihu. Troisième cas, il fait ce mahdhur. Matalan, il se rase les cheveux. Lakin, il n'a aucune excuse. Le deuxième, il avait une excuse. Donc, il n'était pas considéré comme avoir fait un péché. هذا il a pas d'excuse. قال شيخ العثيمين فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم. Il a la fidya. مثلا il s'est rasé les cheveux, il fait siyam ou sadaqa ou nusuk. لكن il est considéré comme péché, il est athim. فهذا les trois aqsam في ceux qui font al-mahdhura. Il y en a ils sont excusés, il y en a ils sont excusés là qui doivent sortir al-fidya, et il y en a ils sont pas excusés et ils doivent sortir al-fidya, les trois cas qu'il a cités chez Ibn Uthaymeen. وقال شيخ ابن عثيمين تنقسم محظورات الاحرام باعتبار الفديه الى اربعه اقسام لا بس ولهذا سيكور اي pour ان شاء الله avoir un minimum في هذا الباب لان on est confronté à هذا كثيرا. Ou tu peux voir des gens qui sont confrontés à hada. Ou fil hajj, ils te demandent. Fatayib, si on a un minimum de base fi hada al-bab, inshallah, ça nous aidera. Ou le baqi, al-mutala'a, ou al-su'al. Ta'alamoun, on a dans les durous, on peut pas tout dire. On peut pas tout étudier. On peut pas tout détailler. Fal insan, il faut qu'il y ait

Inch'Allah, ma dhakarna fihi ishara tayyiba, lakin approfondissez le sujet si vous pouvez. Thumma ba'da dhalik yustahab lil mu'tamir, ay après l'an, il a mis sa tenue. Et on avait expliqué, il peut la mettre au miqat, c'est afdal, il peut la mettre avant. Kadhalik, il a fait le ghusl. Kadhalik, s'il a besoin, il s'est taillé les ongles, il s'est rasé, etc. Et on a dit, هنا, le rasage de là-bas, c'est haram. Ou se la tailler, ou la couper, ou la diminuer, tout ça c'est haram, comme on a expliqué dans une kalima. Et Cheikh Abdelaziz bin Baz, vu l'importance du sujet, rahmatullah alayhi, il a cité cette mas'ala dans sa risala de l'Hajj ou l'Umra. Quand il explique qu'un al-muhrim, il peut s'épiler les aisselles, etc. avant de rentrer en ihram, et il a démontré un al-akhd min al-lihya, fa-fadlan min halqiha, c'est haram. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'alik. Et on a détaillé hada dans une kalima. Fa-al-muhrim, après s'être préparé, al-an il est fait le miqat, qala wa yustahab lil-mu'tamir an yuhil bil-umrah. قال ويحرم عقب الصلاة فإذا وافق وقت صلاة فريضة أو نفيلة كالضحى أو ركعتي الوضوء أحرم بعد ذلك وليس للإحرام صلاة تخصه. نعم. أولا سي ريكوموندي أو معتمر الآن إلى ميقات أن يهل بالعمرة كما هو فوا يدي لبيك اللهم بعمرة. كذلك avant de détailler هذا الإهلال في التلبية إلى سيد المسألة سو إحرام on avait détaillé تذكرون أن الإحرام c'est pas le fait de mettre les vêtements et de faire le ghusl etc de se parfumer c'est pas ça l'إحرام الإحرام c'est نية avoir une intention de commencer un nusuk c'est ça l'إحرام et il y a une تلبية à prononcer il y a une تلبية لبيك اللهم لبيك etc et avant ça يهل Il dit « Labbaik Allahumma bi umra » C'est ça l'ihram. Ce ihram, cette nia avec ces paroles que tu vas prononcer, « Afdal » tu le fais après une salat. « Wa yuhrim aqib al-salat »« Fa idha wafaqa waqt salat faridha »« Aw nafilaka al-dhuha wa rakatay al-wudu »« Ahram ba'd dhali »« Wa laysa lil-ihram salatun takhussuh » Et ça c'est muhim. L'ihram, il n'a pas une salat spécifique. Tu ne fais pas deux rak'a. Et après tu fais l'ihram. Aïe, deux rak'a ou qu'il n'y a aucun sebeb. Là. Imma, si c'est bien ton salat al-duhur, t'attends salat al-duhur. Ou l'asr, mathalan. T'attends, mathalan, t'arrives au miqat, il reste 5 minutes pour duhur et t'es prêt. Attends, fais le duhur avec le jama'a hunak, thumma, tu rentres en ihram. Tamam. Ou, tu fais une salat nafilak, qui a un sebeb. Mathalan, tu viens de faire al-wudu. Tu fais les deux rak'at. Rak'atay al-wudu et après tu te mets en état d'ihram. Ou duha, matalan t'es dans la matinée, t'es arrivé. Ta'lamouna anna salat al-duha c'est la matinée. Matalan t'es à 10h du matin. Tu fais salat al-duha et fiha fadl azim, deux rak'at et après tu rentres en ihram. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh wa dhahaba Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ila anna rak'atay al-ihram la asla li mashru'iyyatiha. Eh non, il n'y a pas de délit. Les anabardohum, ils ont, ou ils pensent que l'ihram, il a deux rak'at spécifiques. Fa maintenant, lui, il n'y a aucun sebeb qui fasse une salat. Il fait deux salats que pour l'ihram, deux rak'at que pour l'ihram. Wa hadha kama qala Cheikh al-Islam, la asla li mashru'iyyatiha. Il n'y a aucun asl. Qal wa annahu laysa lil ihram salatun takhussuhu, lakin. Donc, on est d'accord là, il n'y a pas de salat khassa pour l'ihram. Lakin idha kana fi dhuha fa yumkin an yusalli salat ad-dhuha wa yuhrim ba'daha ila akhir ce qu'on a cité. Amma salat mustahabba qala Cheikh Ibn Uthaymeen bi'ainiha lil ihram fa hadha lam yurid 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadha huwa as-sahih. Donc l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi wa Cheikh Ibn Uthaymeen il a suivi fi hadha c'est sahih. لماذا لان لا يوجد دليل تعلمون ان نطق الدين il est fondé sur l'adilla وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون cette ibada la bout min dalil

فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة. C'est ce qu'on a fait le tanbih alayh. قال وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل. نعم. Et c'est الأكثر الآن. La plupart des gens ils font ce hajj. Ils commencent par une umrah, ثم الإحلال, ثم ils rentrent en ihram. Le huitième jour de l'Hijjah, il commence al-Hajj, comme on va expliquer. قَالَ وَحْدَهَا وَلَبُدْ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةِ. Il prononce, tu prononces, Akhil Karim, Akhil Mu'tamir, tu prononces هذا, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةِ. قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِي وَإِنْ أَحَبَّ قَرَنَا مَعَ تَلْبِيَتِهِ الْإِشْتِرَاطِ عَلَى رَبِّهِ تَعَالَى خَوْفًا مِنَ الْعَارِضِ. كذلك, ça c'est مهم. لأن ça arrive. Ça arrive, Akhil Karim, maintenant tu peux tomber malade, on sait Allah subhanahu wa ta'ala l'afia lil jami'. Tu peux tomber malade, maintenant sur la route, ou avant tawaf, ou après tawaf, tu ne peux pas finir ton hajj ou ta umrah. Fa fi hadha al-hal, il y a une sunnah, ça s'appelle al-ishtirat. Et tu cites comme une condition, khawfan min al-arid, que ce soit une maladie, ou maintenant certains pays, il a l'intention, il arrive. Maintenant, il se met en état d'ihram et Rabbama khawf. Il arrive quelque chose sur la route, ils font demi-tour, ils ne peuvent pas arriver. Alors qu'ils sont en état d'ihram, normalement, ils finissent. Fafiyad al-had, avec cette ishtirat et cette condition qu'ils vont mettre, fa incha'Allah, ils arrêtent et ils referont le hajj une autre année. Ou l'umra. Qalu min marad ou khawf, fa yaqul kama ja'a fi ta'lim al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma mahalli haythu habastani. Une phrase très simple, tu l'as dit après. Après tu rajoutes Allahumma mahalli haythu habastani. Qala Sheikh al-Albani fa innahu in fa'ala dhalik fa hubisa aw marida ja'a lahu at-tahallul jaza lahu at-tahallul min hajjihi aw umratihi wa laysa alayhi dam. Na'am, il n'a pas de bête à sacrifier, il a rien à faire huwa li'annahu ishtarata. قال وحج من قابل إلا إذا كان حجه الإسلام فلا بد من قضائها. نعم. Si c'est pas un hajj obligatoire, c'est pas une umra obligatoire, il fait demi-tour et lâchez Ali. Si c'est le hajj obligatoire et cette année قدر الله il a eu un empêchement après s'être mis en état d'ihram et nous n'avons هنا les empêchements, c'est un empêchement un udr shar'i, une maladie ou le khawf, il peut plus continuer la route, il y a un arid. Amma des simples wasawis ou des choses futiles, là, il n'a pas le droit d'arrêter via al-hal, il doit continuer. Lakin, on parle al-a'dhar al-mu'tabara shar'an. Fa fi hadha al-hal, si c'est hajjatul islam, fa incha'Allah, il arrête. Et l'année prochaine, s'il a la capacité, bien sûr, quand il a la capacité, que ce soit l'année suivante ou après, il doit faire le plus rapidement possible. قال واما صلاه مستحبه بعينها للاحرام فهذا او هذا نعم لا قرانا هذا تقدم هذا كلام شيخ الالباني رحمه الله عليه سيليبر رساله في مناسك الحج هي مفيده جدا ثم يستمر المعتمر بالتلبيه وهي دونك تي مونتي سور تا مونتور. Si tu as une monture, une voiture, etc. Ou si tu n'as pas, tu te mets en direction de Qibla et tu dis Labbayk Allahumma bi umrah. Si tu es sur ta monture, tu rajoutes Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tamam. Thumma, rajouter l'ishtirat que Cheikh Al-Albani l'a cité, tayyib. Tu dis Allahumma mahilli haythu habastani. Thumma, tu es en état d'ihram. À partir de ce moment, تكثر من التلبية. قال وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمة التوحيد هذه التلبية سئ التوحيد. لبيك لا شريك لك لبيك أي لا يجوز ولا تشرك أبدا أخي الكريم بالله عز وجل أحدا من مخلوقاته. ففي الحقيقة cette talbiya, c'est at-tawhid. C'est la même ma'na que la ilaha illallah. La sharika lak. Ay fil ibadah. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mustahiq lil ibadah wa ibudullah. Wa la tushriku bihi shay'a. Fa al-hajj, c'est un rappel pour toi. C'est un rappel azim et c'est un dars azim fil tawhid. Et toute notre vie, elle doit être fondée sur le tawhid. Comme a dit Azza wa Jal, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَتَيَا عَبْدْ Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour ça. فَلَا تَغْتَرْ لَا تَغْتَرْ بِالدُّنْيَا وَبِزَخَارِفِ الدُّنْيَا وَلَا تَغْتَرْ بِالْكُفَّارِ et tous les bienfaits qu'ils ont et يَتَمَتَّعُونَ لَا تَغْتَرْ t'a été créé que pour ça. Et le hajj, في الحقيقة, c'est un rappel عظيم. Cette talbiya, elle te rappelle le tawhid. Ta tenue de ihram, elle te rappelle que هَذِي الدُّنْيَا زَائِلَة. Vous êtes tous habillés pareil, un simple izar sur le corps. الْمَوْقِفْ عَرَفَ كَذَلِكَ ça te rappelle مَوْقِفْ يَوْمِ الْقِيَامَة. Un jour, on sera tous rassemblés à un mawqif où on aura des comptes à rendre. Falhajj, c'est un mawqif azim. Falihada, celui qui le fait bi ikhlas, bi ilm, et Allah subhanahu wa ta'ala le wuffaq, il revient du hajj, c'est plus la même personne. Hajj, c'est une ibadah azima. Falihada, al-hirs, al-hirs. Qala, wa yarfa' biha sawta. Et n'am, pour l'homme. L'homme, il élève la voix. Labbayk, Allahumma labbayk. À partir du moment l'an, au miqat, tu t'es en état d'ihram, et on verra jusqu'à ce qu'il commence tawaf l'umrah. Ça ne veut pas dire que tu l'as dit sans cesse. Là, il y en a min al-Madina, ou min miqat d'il-Hulayva, jusqu'à Masjid al-Haram, il y a rubama 400 km ou 350. Rubama c'est toute la nuit de route, rubama c'est une journée. Lakin, al-Ijtihad. Tu l'as dit, et dès que tu es fatigué, tu te reposes. Ou hakada. Qala wa yarfa' biha sawta. وَالْمَرْأَ لَا تَرَفَعْ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَيَسْتَمِرْ فِي تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَشْرَعْ فِي الطَّوَافِ. Et non. حَتَّى il commence tawaf de l'umrah qu'on expliquera بإذن الله à partir de demain. قَالَ وَلَا تُشْرَعَ التَّلْبِيَةَ الْجَمَعِيَةَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ. أما الدليل أنه il arrête de dire التَّلْبِيَةَ quand il commence le tawaf, حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما في السنن البيهقي إلا سيتي الشيخ عبد المحسن dans sa رسالة قال ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد سا كذلك من المحدثات ومن البدع اعلم أخي الكريم أن tous ces أذكار que tu vois أو قراءة القرآن qui font en groupe avec une seule voix, une même voix اعلم tout ça c'est من المحدثات ومن البدع. Et celui qui a un dalil, il montre le dalil. C'est une ibadah mashru'a. Amma tout ce qu'on voit l'an, dans les masajid, fil hajj, etc., anahum yajtami'oun. Et fil haqiqa, il y a varar kibir. Rubbama, t'as été fatigué, tu veux te reposer. Et sera certain dans le bus. Ils élèvent tous la voix, saut wahid. Rubbama, il n'y a plus de concentration. Il y en a, tu suis, ça devient automatique. Rubbama, arriya. Wahid, il veut se montrer. Wahakada. السنة فيها بركة السنة فيها البركة الاقتصاد في السنة خير أما الاجتهاد في البدعة يا أكن خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور celui qui m'a regardé contre le bid'a c'est un nabi صلى الله عليه وسلم أفضل البشر عليه الصلاة والسلام c'est pas nous فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور faites attention aux inventions في الدين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن celui qui nous dit là c'est permis à ou lâcher on lui dit ça serait bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba il l'aurait fait. Le Nabi sallallahu nous a démontré que celui qui fait une chose qu'il n'a pas faite c'est un mal. Al-an imma tu nous montres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait avec sahaba imma c'est un mal et ne t'entête pas à faire le mal akhil karim khassatan fil hajj khassatan لأن celui qui fait le hajj lillah azza wa jal wa lam yarfut wa lam yafsuq etc. raja'a ka yawma waladathu ummu comme dans le hadith qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Hada, tout ça c'est min al-bida'. Al-talbiya al-jama'iyya bi sawtin wahid c'est min al-bida'. Kadhalik, on verra nas qui font kathir min al-nas, anahum lisent des athkar en faisant tawaf en groupe. Tout ça c'est min al-bida' wal-muhdathat. Qala fa'idha wassala al-mu'tamir. Baqiya waqt. Eh non, baqiya qalil. قال فإذا وصل المعتمر إلى مكة استحب له أن يبدأ بالعمرة ويبادر بها. الآن تفعل غوت السنة سك تكثر من التلبية. كذلك à partir de ce moment tu es en état d'ihram. فالحذر من الكلام في الحقيقة طول الوقت هذا on doit s'écarter des insultes, du mensonge, al-jidal, il n'y a aucune faïda, al-qil wal-qal, ça c'est toujours. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahana 'anil qil wal-qal. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète qui nous ont interdit de mentir, etc. Lakin fi hadha al-waqt, c'est encore plus. As-tu fait la route ? Tu vas arriver à Mecca. Que ce soit ceux qui viennent de Medina, ou ceux qui viennent du Yémen, ou ceux qui viennent min jihat al-Irak, etc. تغيبغا بإذن الله أمكة فإذا وصل المعتمر إلى مكة استحب له أن يبدأ بالعمرة ويبادر بها من السنة c'est que tu commences directement par l'umra. Ça ne veut pas dire que tu ne passes pas par ton hôtel, etc. Là, il y a juste de passer ton hôtel, il y a juste que tu te reposes. لكن الأفضل c'est que tu fasses très vite. Tu ne laisses pas une longue durée. فمن الطيب c'est que tu vas dans ton hôtel, tu poses tes affaires, si tu as tes affaires, tu manges, tu bois, si tu as faim, tu as soif, Thomas, tu commences l'Umra. Pour le Bama, ça va prendre une demi-heure, une heure, ces choses-là. Et tu commences l'Umra. قَالَ فَيَتَوَجَّهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Il prend la direction du Masjid al-Haram. قَالَ مُتَّجِهًا نَحْوَ الْكَعْبَةِ Et تعلمون من السنن أنه il rentre du pied droit et il dit أَذْكَارْ دُخُلْ الْمَسْجِدِ قَالَ نَحْوَ الْكَعْبَةَ حَرَّسَهَا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدِ Donc, il se dirige en direction de l'Kaaba. Dès que tu vas rentrer au Masjid al-Haram, tout ça, wallahi alhamd, c'est indiqué, il y a des panneaux, tu demandes, alhamdulillah, c'est en groupe, il y a des gens qui seront, tu te diriges en direction de Al-Kaaba. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, qala zahiruhu annahu la yusalli tahiyyat al-Masjid wa huwa kadhalik. Eh na'am, lianna tuli adillah, annahum, ils rentraient pour faire l'umra, ils faisaient directement al-tawaf. فالظاهر أن في هذا الحال tu fais pas تحية المسجد الطواف يغمبلس تحية المسجد قال شيخ ابن عثيمين فإن من دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد donc الطواف ça te suffit tu fais pas تحية المسجد أي les deux ركعات quand tu rentres dans un masjid avant de s'asseoir قال ومن دخله للصلاة أو لذكر أو القراءة وما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل أي مسجد آخر نعم أما si tu as fini ta umra et tu rentres le jour d'après ou le même jour ou n'importe quand tu rentres dans le masjid al-haram le masjid al-haram il a le même ahkam que les autres masajid si tu rentres tu fais deux rak'at تنبيه هنا أولا ce كلام أنه يا pas de تحية المسجد كذلك شيخ عبد المحسن il a cité ce تنبيه dans sa risale كذلك ننبه أنه si tu rentres il y a salat al-jama'a tu fais salat al-jama'a أن celui qui rentre et c'est l'heure de salat al-isha ou al-maghrib et في مسجد الحرام ils font al-salat ففي هذا الحال tu continues pas ton tawaf ta umra là tu fais salat مع الجماعه ثم tu continues هذا c'est مهم مسألة ينفني avec هذا رفع الأيدي والدعاء عند رؤية الكعبة يا حديث في هذا أن si tu rentres في المسجد الحرام dès que tu vois الكعبة tu lèves tes mains et tu fais الدعاء يا حديث في هذا c'est قول كثير من أهل العلم لكن شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال قوله أي صاحب زاد المستقنع فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد أي إذا رأى الكعبة أي أن دعاء أدير تلف لما قال فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف نعم الحقيقة la plupart ou beaucoup de ces hadith ضعيفة أنك dès que tu rentres et que tu vois le masjid al-haram tu lèves les mains et tu fais الدعاء هذا C'est ضعيف. قال الشيخ محمد بن حزام في فتح العلام وفقه الله قال وقد أخرج البيهقي حديثا مرفوعا من حديث ابن عباس وفيه ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت أي si tu vois le bait tu lèves tes mains et tu récites le dua قال الحديث وأشار إلى أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي كلا الإسنادين ضعف فيهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين الاضطراب c'est il est pas sûr Et il a rapporté ce hadith une fois marfou, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre fois il l'a rapporté mawquf, et c'est Ibn Abbas qui a dit. Ça s'appelle al-ittirab. Et c'est min anwa' al-dha'f, c'est un dha'f fil hadith. Donc ce hadith il est daïf. قال والمرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما له اسناد اخر عن عن عند ابن ابي شيبه اي في المصنف وفيه عطاء بن السائب اي نعم les deux premiers عبد الرحمن بن ابي ليلى او محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الى ضعيف un autre hadith عن ابن عباس كذلك فيه عطاء بن السائب وهو مختلط قال فالاثر لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا والله اعلم Cheikh Nu'taymin, mala ila ila hada, annahu, y a pas de hadith sahiha fi hada al-bab. Fas-sawab, qala Cheikh Muhammad, was-sawab huwa qawl liman Malik, wa mala ilayhi Cheikh Nu'taymin. Liman Malik, il a choisi le qawl annahu, y a pas de dua, et tu lèves pas tes mains quand tu vois le Kaaba. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, dans sa risala, qala fa idara al-Kaaba rafa'a yadayhi insha, li thubutihi an ibn Abbas, wa lam yathbut an ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huna dua khas, fa yad'u bima tayassara lah. بما تيسر له نعم الشيخ الألباني لا تفصيل أنه رفع اليدين ثابت لكن الدعاء كسيد من صحيح ضعيف لأن هي بلوزر أحاديث فالشيخ المعتمين يقول أن tu lèves les mains à la base et tu dis le dua que tu veux فالأمر سهل الأمر سهل لأن العلماء يختلفوا في هذه الأحاديث حقيقة يفعلوا دراسة plus approfondie pour vraiment détailler, celui qui le fait, la yunkar alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. À partir de demain, inshallah, on commence à tawaf. Et, fait le haqiqa, toutes ces masaïls qu'on voit là, fait l'umrah, mais yata'alak bil hajj, ça sera beaucoup plus rapide. L'ana fil hajj, on va revoir l'ihram, on ne détaillera pas tout. On va revoir à tawaf. On l'a déjà vu, on reverra à Safa wal Marwa qu'on va voir fil l'umrah. Fait le haqiqa, tout ce qu'on fait pour l'umrah, ça nous servira pour le hajj. Fait inshallah, ça sera beaucoup plus rapide. حياكم الله من عنده شيء يتفضل أو نقف هنا أوفيكم بارك الله حياكم الله مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين